Et bonjour, ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Tu me réponds rien? Tu parais triste. Lisette, de son côté, baisse les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Parle donc, toi, de quoi s'agit-il? Monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, une âme gelée qui se tient à l'écart, et puis le portrait d'une femme qui a le visage abattu, un teint plombé, des yeux bouffis et qui viennent de pleurer. Voilà, monsieur, tout ce que nous considérons avec tant de recueillement. Que veut dire ce galimatia? Une âme, un portrait. Explique-toi donc, je n'y entends rien. C'est que j'entretenais Lisette du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Tersandre, que je trouvais l'autre jour fort abattue, parce que son mari venait de la quereller. Et je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point de rente. Premièrement, il est beau. Et c'est presque tant pis. Tant pis? Rêves-tu avec ton tant pis? Moi, je dis ce qu'on m'apprend. C'est la doctrine de madame. J'étudie sous elle. Alors, il n'est pas question de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dorante vient pour t'épouser. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'arrêtai ce mariage-là avec son père, qui est mon intime et ancien ami. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez à tous deux et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as que le dire. Il repart. Ah, si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Un duo de tendresse en décidera, comme à l'opéra. Vous me voulez, je vous veux, vite à notaire, ou bien m'aimez-vous, non, ni moi non plus, vite à cheval. Pour moi, je n'ai jamais vu Dorante. Il était absent quand j'étais chez son père, mais surtout le bien qu'on m'en a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciez ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Oh, mais si j'osais, je vous proposerais sur une idée qui me vient de m'accorder une grâce, qui me tranquilliserait tout à fait. Parle, si la chose est faisable. Je te l'accorde. Elle est très faisable, mais je crains que je ne sois abusée de vos bontés. Eh bien, abuse, va. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela. Explique-toi, ma fille. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps. Et je prendrais la sienne. Son idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Oh, si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, mon enfant, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de pouvoir soutenir le tien, Lisette? Moi, monsieur, vous savez qui je suis? Essayez de m'en compter. Et manquez de respect, si vous l'osez, à cette contenance-ci. Voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous, hein? Retrouvez-vous Lisette. Comment donc je m'y trompe actuellement moi-même? Mais il n'y a pas de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous et qu'on donne le mot à toute la maison. Il ne me faut presque qu'un tablier. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à vos fonctions. Un peu d'attention à votre service, s'il vous plaît. Vous serez contente, marquise. Marchons.